الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala intitulé « Adab al-Mashi al-Salah ». Nous allons commencer aujourd'hui la lecture et l'étude du chapitre intitulé « Bab Salati Tatawwa » chapitre de la prière volontaire, de la prière surérogatoire. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer quelles sont les prières qu'il est recommandé pour le musulman d'accomplir après avoir été assidu à l'ensemble de ses prières obligatoires. Car les prières surérogatoires viennent après les prières obligatoires, et elles sont légiférées et recommandées pour ce qu'elles comprennent comme mérite et comme compensation des manquements que le serviteur peut avoir dans ses obligations. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « Qal Abu al-Abbas » Abu al-Abbas a dit. Et qui est Abu al-Abbas dont il est question ici? Dans les livres de Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah, lorsqu'il mentionne Abu al-Abbas, il vise par cela Cheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Ce grand savant de l'Islam, décédé en l'an 728 de l'Hégire et qui avait pour kunya Abu al-Abbas. Donc il nous dit Abu al-Abbas a dit التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. Les prières surérogatoires viendront compléter la prière obligatoire au jour de la résurrection si le serviteur ne l'a pas accomplie de manière parfaite. On rapporte à ce sujet un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il en est de même pour la zakat et le reste des œuvres. Le hadith en question est rapporté de différentes chaînes de transmission d'après Abu Huraira radiyallahu anhu et il est aussi rapporté d'après Tamim al-Dari radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose sur laquelle le serviteur aura à rendre compte est sa prière. La première chose sur laquelle tu auras à rendre compte, c'est ta prière. فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا S'il l'a accompli de manière complète, alors alhamdulillah. وَإِلَّا Mais si ce n'est pas le cas, قَالَ اللَّهُ Allah dira, regardez si mon serviteur faisait des prières surérogatoires. Regardez s'il faisait des prières surérogatoires. Si on lui trouve des prières surérogatoires, il dira, complétez par celle-ci sa prière obligatoire. Complétez par celle-ci les manquements qu'il a eus dans sa prière surérogatoire. Et dans plusieurs narrations de ce hadith, il est rapporté qu'il en sera de même pour les autres œuvres du serviteur. Donc ce hadith, il nous démontre l'importance pour le serviteur de ne pas s'arrêter à ce qui est obligatoire. Car nul parmi nous ne peut prétendre parfaire ses obligations. Chacun d'entre nous a des manquements. Comme vous le savez, il est difficile pour le serviteur, si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce et sa miséricorde, de compléter parfaitement ses prières. Aussi nombreux soient les efforts de l'un d'entre nous, il ne pourra jamais accomplir sa prière de la manière la plus complète comme cela est attendu de lui. Donc étant donné que ces manquements sont présents, il est nécessaire pour nous de ne pas nous arrêter à cela et de faire suivre ces prières obligatoires, de prières surérogatoires qui viendront compléter les manquements observés dans les prières obligatoires. Certaines personnes, lorsqu'on leur dit cette prière n'est pas obligatoire, elle est recommandée. On dirait que Dans leur tête, ils comprennent qu'il ne faut pas faire cette prière. C'est comme si on leur disait « c'est détestable, tu ne dois pas la faire ». Alors qu'en réalité, à partir du moment où tu sais que c'est une chose qui a été ordonnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu te dois de faire de grands efforts pour l'accomplir. Saisir cette opportunité de faire le bien, saisir cette occasion de te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et profiter de cela pour compléter justement les éventuels manquements qu'il y a dans tes prières obligatoires. Tu ne dois pas négliger cela. Et il en est de même pour l'ensemble de tes actions. La zakat. Ne te contente pas de ne sortir que la zakat obligatoire, mais fais des efforts dans les aumônes surrogatoires pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour le jeûne. Ne te contente pas du jeûne obligatoire, mais fais-le suivre de certains jeûnes surrogatoires qui viendront compléter et combler les manquements que tu as pu avoir dans l'accomplissement de ton jeûne et ainsi de suite avec l'ensemble de tes œuvres. L'essentiel est que tu aies bien conscience qu'il n'est pas suffisant pour toi, si tu veux obtenir le salut au jour de la résurrection, de te contenter du minimum obligatoire. Non, tu te dois d'être assidu à l'ensemble de tes obligations. Et si tu veux le salut, si tu veux les hauts degrés du paradis, si tu veux être préservé du feu de l'enfer, multiplie les efforts dans les œuvres surrogatoires après avoir été assidu à tes obligations. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, avant de rentrer dans le vif du sujet des prières surrogatoires, il nous a mentionné quelles sont les œuvres surrogatoires les plus méritoires. Et il a commencé par dire, rahimahullah, wa afdalu at-tatawwu' al-jihad, thumma tawabi'uhu min nafaqatin fihi wa ghayriha. Et la meilleure des œuvres surrogatoires est la lutte sur le sentier d'Allah, puis ce qui s'ensuit, comme les dépenses faites pour cette lutte et autres choses semblables. La lutte sur le sentier d'Allah fait partie des œuvres les plus méritoires. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné après la foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur l'œuvre la plus méritoire. Il répondit alors: c'est la foi en Allah et en son messager. On lui dit: puis quoi après? Il répondit: la lutte sur le sentier d'Allah. On lui dit, et après il dit: le pèlerinage, le hajj, mabrour. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en deuxième position, après la foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lutte a un mérite immense dans notre religion, car c'est le sommet de l'islam. C'est par cette lutte que les musulmans ont force et puissance sur leur ennemi. C'est par cette lutte qu'ils peuvent faire triompher leur religion et la faire triompher au-dessus de toute autre religion. C'est par cette lutte qu'ils peuvent diffuser leur religion parmi les gens et faire ainsi sortir les gens de l'obscurité, de la mécréance et du polythéisme à la lumière de la foi et du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci fait partie des meilleures des œuvres en termes d'œuvres surrogatoires. Et cette lutte, le musulman peut l'accomplir, lorsque cela est légiféré bien sûr, par sa personne, mais aussi par ses biens. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: puis, ce qui s'ensuit, comme les dépenses faites pour cela, et autre chose semblable, c'est-à-dire toute chose qui va aider à la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit: ثم تعلم العلم وتعليمه. Vient ensuite l'apprentissage de la science et son enseignement. C'est-à-dire qu'après la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'œuvre la plus méritoire est l'apprentissage de la science et son enseignement. Et en réalité, les savants ont mentionné différentes paroles à ce sujet. Et nombreux sont ceux à avoir dit que la science, son apprentissage et son enseignement sont même plus méritoires que la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'étude de la science, en réalité, elle fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah. C'est pour cela que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit « La personne étudie la science en premier, puis elle lutte sur le sentier d'Allah, à partir du moment où la personne a le choix, qu'elle n'est pas contrainte à lutter pour se défendre ou autre. » Il dit « Il doit s'instruire en religion et apprendre sa religion afin de savoir comment lutter. » En effet, celui qui est ignorant, comment peut-il savoir quelle est la lutte sur le sentier d'Allah et quelle est la lutte sur le sentier du diable? Celui qui est ignorant, comment peut-il savoir qu'est-ce qui est légiféré et considéré comme une lutte sur le sentier d'Allah et qu'est-ce qui est interdit et n'en fait pas partie, mais fait plutôt partie de la lutte sur le sentier du diable? Et c'est pour cela, comme je l'ai mentionné dans d'autres cours, que c'est une erreur d'empêcher les gens de la vérité, les gens de la sunnah, d'aborder ces sujets de manière libre, afin qu'ils puissent clarifier aux musulmans quelles sont les formes de lutte qui sont légiférées et quelles sont les formes de lutte qui sont interdites. Et c'est pour cela que nombre d'idéologies déviantes, à l'exemple de l'idéologie des Khawarij, des gens du Takfir, de ceux qu'ils appellent les djihadistes, sont des idéologies qui se propagent parmi les gens. Pourquoi? Car la lutte sur le sentier d'Allah fait partie de la religion de l'islam. Elle se trouve dans le Coran et nul ne pourra la retirer. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de la préservation de son livre. Donc tout musulman, lorsqu'il lit le Coran, il prend connaissance de ces versets où la lutte est ordonnée. Mais pour comprendre qu'est-ce qui est légiféré en cela, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui fait réellement partie de la lutte sur le sentier d'Allah, il a besoin de science, il a besoin de s'instruire, il a besoin de lire des livres à ce sujet, il a besoin qu'on lui donne des cours afin de comprendre quelles sont les règles de cette lutte sur le sentier d'Allah. Mais si on empêche les gens de la vérité de parler, les gens de la sunna et du groupe, qui vont clarifier aux gens les règles de la lutte sur le sentier d'Allah et leur apprendre que les attentats terroristes ne font en aucun cas partie de la lutte sur le sentier d'Allah, leur apprendre que le meurtre de civils innocents ne fait en aucun cas partie de la lutte sur le sentier d'Allah, leur apprendre que le fait de tuer des femmes, des enfants, des vieillards ou des adorateurs dans leur lieu de culte ne fait pas partie de la lutte sur le sentier d'Allah. Si les gens de la sunna ne peuvent pas aborder ces sujets et les clarifier comme il se doit, ce sont les gens du faux et de l'égarement qui vont propager leurs paroles, leurs ambiguïtés et leurs poisons et mener ainsi nombre de musulmans à l'égarement et à devenir ainsi des criminels égarés. Wal'iyadu billah. Et telle est la situation de nombre de jeunes aujourd'hui qui se laissent prendre dans les filets des Khawarij, dans les filets des gens du Takfir, dans les filets de ceux qu'ils appellent les djihadistes et autres, car ils n'ont pas entendu la parole de vérité au sujet de la lutte sur le sentier d'Allah, car celui qui parlerait de ce sujet serait immédiatement catalogué et vu comme une personne dangereuse pour la société, alors qu'en réalité, il n'est qu'une source de paix et de sécurité pour toute personne et pour tout lieu dans lequel il se trouve et dans lequel il enseigne cette science véridique qui nous apprend à distinguer entre la lutte sur le sentier d'Allah qui est légiférée et ordonnée dans le Coran et qui a des règles bien précises et la lutte sur le sentier du diable qui est celle commise par ceux qui commettent ces attentats criminels. Wallahu al-musta'an. Donc, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit que c'est pour cela que la science vient en termes de mérite avant la lutte sur le sentier d'Allah. Car celui qui n'a pas la science, il ne saura pas comment lutter? Et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « Je vois que la recherche de la science religieuse est plus méritoire. Et ce, car la religion ne peut être établie que par la science. Et les gens ont aujourd'hui besoin de science et de s'ancrer dans cette science afin que ne vienne pas la mort des savants et que les gens prennent ensuite pour leader des ignorants qui leur donneront des avis juridiques sans science, puis qui s'égareront et égareront les gens. » Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez à travers cela le mérite immense de la science religieuse, de son apprentissage, de son enseignement et de sa diffusion parmi les gens. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء » Le savant et l'apprenant sont semblables en termes de récompense. C'est-à-dire que celui qui sait et qui enseigne et celui qui ne sait pas mais qui apprend, ils sont tous deux à un rang méritoire en termes de récompense. Ensuite, il a dit, radiyallahu anhu, « وَسَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ » Et le reste des gens sont stupides, il n'y a pas de bien en eux. Il n'y a pas de bien en eux. Il n'y a pas de bien dans une personne qui ne sait pas et qui n'apprend pas. Comment une personne peut-elle se satisfaire de son ignorance? Celui qui veut réellement mettre en pratique sa religion comme il se doit, il lui incombe d'apprendre sa religion et de ne pas rester ignorant. C'est pour cela qu'il nous dit qu'en termes de mérite sont semblables celui qui apprend et celui qui sait. Et les autres qui ne savent pas et n'apprennent pas, alors ceux-là sont stupides et il n'y a aucun bien en eux. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Ensuite, il a dit, وَعَنْ أَحْمَدْ طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ Et on rapporte de Ahmed, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, la parole suivante. La recherche de la science est la plus méritoire des œuvres pour celui dont l'intention est bonne. Donc on voit ici qu'il a mentionné que la science est la meilleure des œuvres, mais il a émis une condition. Il a dit pour celui dont l'intention est bonne. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui est sincère dans son apprentissage. Celui qui apprend sa religion par désir d'obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont l'intention est de dissiper son ignorance et de mettre en pratique cette science, puis de la diffuser parmi les gens afin que eux aussi sortent de l'ignorance. Celui dont telle est l'intention, alors la meilleure des œuvres qu'il puisse accomplir après ses obligations est l'apprentissage de la science religieuse. Et on voit à travers cela que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a fait prévaloir la science à la lutte sur le sentier d'Allah. Et en réalité, les deux sont rapportés de lui. Dans certaines narrations, il a dit que la lutte sur le sentier d'Allah est plus méritoire que la science. Et dans d'autres, il a dit que la science est plus méritoire que la lutte sur le sentier d'Allah, à condition que la personne connaisse la vérité, puis la mette en pratique et la diffuse parmi les gens. Et on pourrait réunir, entre ces deux versions qui sont rapportées de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, en disant que selon les moments, la science peut être meilleure, et en d'autres moments, la lutte sur le sentier d'Allah peut être meilleure, selon les situations et même selon les personnes et leur capacité à apprendre ou à lutter. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné une autre parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a dit « تَذَاكُرُ بَعْضِ لَيْلَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَائِهَا » Méditez sur le sens fort de cette parole. Réviser, c'est-à-dire réviser la science, me rappeler de la science. Une partie de la nuit est plus aimée pour moi et préférable pour moi au fait de veiller toute cette nuit, c'est-à-dire de veiller toute cette nuit en prière. Et ce quart, s'occuper par la science, est plus méritoire que s'occuper par les adorations surérogatoires. En effet, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, que le mérite du savant sur l'adorateur est semblable au mérite de la lune sur les autres astres. C'est-à-dire que le mérite du savant est bien plus grand et bien plus évident que le mérite de l'adorateur. Pourquoi? Pourquoi le savant a-t-il plus de mérite que l'adorateur? Car l'adorateur, son adoration, elle ne profite qu'à lui-même. Lorsqu'il prie, il prie pour lui. Lorsqu'il fait du dhikr, il fait du dhikr pour lui. Lorsqu'il lit le Coran, il le lit pour lui-même. Lorsqu'il prie la nuit, lorsqu'il fait des rawatib, lorsqu'il fait toutes sortes d'actes surrogatoires, il ne le fait que pour lui-même. Alors que le savant, lorsqu'il apprend la science, pour ensuite l'enseigner, la diffuser parmi les gens, le mérite de son action ne s'arrête pas à sa propre personne, mais ce mérite se répand parmi les gens. Sa science, au savant, elle lui profite à lui-même, et elle profite à toute personne à qui elle parvient. C'est pour cela que son mérite est plus grand et plus évident. Vous comprenez ainsi pourquoi l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il préfère réviser la science une partie de la nuit plutôt que la passer tout entière à veiller en prière. Et ceci ne veut pas dire que celui qui a de la science va délaisser les actes méritoires parmi les actes surrogatoires, non. Il veillera à prendre sa part de chaque action à hauteur de ses capacités. Mais ce qui est visé ici est de savoir que si tu ne peux pas réunir entre deux mérites, alors sache que la science, si ton intention est bonne, que tu as pour objectif de dissiper ton ignorance et de dissiper l'ignorance d'autrui en la diffusant par la suite parmi les gens, alors le fait de t'occuper par cette science est meilleur que de t'occuper par toute autre œuvre surrogatoire. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. Il rapporte encore une autre parole de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qui a dit, il est obligatoire pour l'homme de rechercher de la science ce par quoi il établira sa religion. قيل له مثل أي شيء. On lui dit alors, à l'exemple de quelle science ? قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك. Il dit, celui qu'il ne peut ignorer, sa prière, son jeûne et autres choses semblables. Donc l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il attire notre attention ici sur le fait que la science, elle se divise en deux catégories d'un point de vue de l'obligation de son apprentissage. Il y a une part de science qu'il est obligatoire pour tout musulman de connaître et que nul parmi nous n'est censé ignorer, à commencer par ce qui est lié à ta croyance, ce qui est lié au tawhid, ce qui est lié au shirk, ce qui est lié au sens des deux attestations de foi qui sont le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est une obligation pour tout musulman de connaître le sens de ces paroles et savoir ce qu'elles impliquent, afin qu'il ne soit pas de ceux dont ces paroles ne dépassent pas la langue et qu'il les prononce sans en comprendre le sens ni même mettre en pratique ce qu'elles impliquent. Mais tu vas apprendre afin de savoir qu'est-ce qu'il t'incombe après avoir attesté de cela. Ensuite, tu vas apprendre les règles de ta prière et entre dans cela les règles des ablutions, les règles du rusl, les règles du tayammum, les règles de la purification et ainsi de suite. Nul parmi les musulmans n'est censé ignorer cela. Tu te dois d'apprendre ces règles de ta religion afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et pouvoir accomplir tes adorations comme il se doit. Ensuite, si tu as de l'argent, tu apprendras les règles de la zakat, afin de pouvoir t'acquitter de ce pilier immense parmi les piliers de notre religion. Puis tu apprendras les règles du jeûne, puis tu apprendras, si tu en as les capacités, les règles du pèlerinage, afin de l'accomplir comme il se doit, et ainsi de suite parmi ce qui incombe à chacun d'entre nous. Si tu veux te marier, apprends les règles du mariage. Ne te marie pas avec ignorance pour ensuite faire des catastrophes. Non, apprends les règles du mariage. Tu veux faire du commerce? Apprends les règles du commerce en islam, afin que ton commerce soit un commerce licite et que tu aies ainsi de la bénédiction en celui-ci. Et ainsi de suite, parmi les choses que tu entreprends, apprends les règles liées aux actions que tu souhaites accomplir afin de pouvoir agir avec clairvoyance. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue et dit, thumma ba'da dhalik. As-salah. Vient ensuite la prière, c'est-à-dire après la lutte sur le sentier d'Allah et l'apprentissage de la science religieuse, Il y a la prière qui fait partie des meilleures œuvres sur le rogatoire. Il dit, les hadiths, istaqimu wa lan tuhsu, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Comme le démontre le hadith suivant, soyez droit, c'est-à-dire soyez sur la droiture, soyez sur la voie droite, sur le bon chemin. Wa lan tuhsu. Lan tuhsu, les gens de science ont donné deux explications à cette parole. Certains ont dit, et vous ne pourrez tout faire. C'est-à-dire que tu vas veiller à être sur la droiture, mais tu ne pourras jamais accomplir tout ce qui t'incombe en termes d'actes d'obéissance. Tu ne pourras pas tout faire, mais tu te maintiens sur la voie droite et c'est ça l'essentiel. D'autres ont dit, walan tursu, et vous ne pourrez recenser, c'est-à-dire vous ne pourrez recenser les récompenses de vos bonnes actions. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière. Sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière. Il est donc nécessaire pour le croyant de savoir quelles sont les prières qui sont recommandées afin de pouvoir se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette action qui est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Cette prière qui va t'aider au délaissement des mauvaises actions. Car la prière éloigne le serviteur des turpitudes et du blâmable. Nombre de personnes pensent que sous prétexte qu'elles font des péchés, elles ne peuvent pas prier. Il dit, laisse-moi le temps de me repentir, laisse-moi me remettre bien, revenir au droit chemin. Je ne peux pas, tant que je suis dans cette situation, prier. Ou autre parole semblable suggérée par le diable ou les démons parmi les djinns et les hommes. En réalité, quelle que soit la situation de la personne, il lui incombe d'accomplir ces cinq prières quotidiennes. Ces cinq prières qui sont une purification de ses péchés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé à un fleuve qui passerait devant la maison de l'un d'entre nous et dans lequel il se laverait cinq fois par jour. Cette prière, c'est elle qui est une des plus grandes causes qui vont t'aider à t'écarter et à délaisser les péchés et les mauvaises actions. Imagine qu'une personne soit sale et disent « je ne peux pas me laver tant que je ne suis pas propre ». Que dirais-tu de cette personne ? « Je suis trop sale pour me laver. Je dois d'abord être propre pour pouvoir me laver. » Qu'est-ce qu'on dirait de cette personne ? On dirait que sa parole est stupide, qu'elle n'a aucun sens. Et de la même manière, celui qui dit « je dois me remettre sur le droit chemin pour prier ». Si tu souhaites être sur le droit chemin, accomplis tes prières. C'est cela le droit chemin. Et tant que tu n'accomplis pas tes prières, tu ne seras pas sur le droit chemin. Donc ça, c'est important à comprendre, barakallahu fikum. Et la personne, elle doit être assidue à ses cinq prières obligatoires, et elle fait suivre ses cinq prières d'autant qu'elle peut, parmi les prières surérogatoires. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَتَعَدَّ نَفْعُهُ مِنْ عِيَدَةِ مَرِيضٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُسْلِمٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ » Vient ensuite ceux dont le profit et pour autrui, comme la visite du malade, le fait de subvenir aux besoins d'un musulman, ou la conciliation entre les gens. Ceci fait partie des meilleures des œuvres. Tu rends visite à ton frère qui est malade, qui n'a pas le moral, qui a besoin d'être conforté et consolé. Tu lui fais le rappel, lui prononces des bonnes paroles qui vont l'aider à patienter. Il se peut que ceci soit plus profitable pour toi auprès d'Allah qu'une prière que tu vas accomplir durant toute la nuit, car tu as été utile pour ton frère. Également, subvenir aux besoins d'un musulman. Rendre service à ton frère. Ton frère est dans le besoin, tu es venu l'aider. Pas forcément financièrement, mais il se peut qu'il ait besoin d'une aide physique. Il se peut qu'il ait besoin d'une aide morale ou autre chose semblable. Ceci fait partie des meilleures actions par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est venu dans le hadith que celle-ci a même plus de mérite que la retraite pieuse dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de marcher pour venir en aide à ton frère, être à ses côtés, le soutenir lorsqu'il en a besoin. Malheureusement, aujourd'hui, ces valeurs, elles se perdent. Et on trouve parfois très peu de solidarité entre les musulmans. Cette solidarité qui fait partie de leur signe distinctif, par laquelle ils se distinguent des autres communautés. Cette solidarité qui est la cause de l'entrée en islam de beaucoup de personnes. Il ne faut pas laisser cette marque de distinction disparaître parmi nous, ou pire encore, la remplacer par des intérêts mondains, comme le fait que des personnes aujourd'hui ne veulent plus rendre service à leurs frères, si ce n'est en échange d'une compensation financière. Et ceci est la situation malheureuse de beaucoup de personnes. Wallah al-musta'an. Ces personnes-là qui n'ont vraiment pas le sens des affaires, car elles ont troqué la récompense de l'au-delà, qui est une récompense durable qu'ils retrouveront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont troqué contre des biens vils de ce bas monde qui sont voués à disparaître. Wallahu al-musta'an. Donc l'auteur rahimahullah nous dit que la visite du malade, le fait d'aider un musulman dans le besoin, et également la conciliation entre les gens fait partie des meilleures des œuvres. Tu sais que deux personnes sont en discorde, tu veilles à rétablir la concorde entre elles. Tu cherches à les réunir sur la vérité. Ceci fait partie des meilleures des bonnes actions. Il nous dit, لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَبِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. Ne vais-je pas vous informer au sujet de la meilleure de vos œuvres et de celle qui a un degré plus méritoire que le jeûne et la prière. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Islahu dhatil bayn. Le fait de réunir, de réconcilier entre les gens. Fa inna fasada dhatil bayn, hiya al-haliqa. Car certes, semer la corruption entre les gens est vraiment cette chose qui coupe, c'est-à-dire cette chose qui coupe le bien à sa racine. En raison des nombreux méfaits qui découlent de la discorde entre les gens. Et il nous dit que ce hadith a été authentifié par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala. Ensuite il dit, وَقَالَ Ahmad, اِتِّبَعُ الْجَنَازَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَةِ. Ahmad, toujours l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, a dit, le fait de suivre la janaza, le fait de suivre le convoi mortuaire, est plus méritoire que la prière, c'est-à-dire plus méritoire que la prière surérogatoire. À supposer que la personne ait le choix entre accomplir une prière surérogatoire ou suivre le convoi funéraire d'un mort musulman, on lui dira alors que suivre le convoi funéraire est plus méritoire, car en faisant cela, elle se profite à elle-même et elle est profitable, bi'idhnillahi ta'ala, pour ce mort, ainsi que pour sa famille, car sa présence va être un soutien pour eux, bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci est donc plus méritoire que l'accomplissement d'une prière dont il sera le seul à profiter. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, وَمَا يَتَعَدَّ نَفْعُهُ يَتَفَاوَتْ. Et ceux dont le profit parvient à autrui est de différents degrés. C'est-à-dire, ce n'est pas toute action qui profite à autrui qui est de même degré, mais il y a différents degrés de profit. Il nous dit, فَصَدَقَةٌ عَلَى قَرِيبٍ مُحْتَاجٍ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقٍ. وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى أَجْنَبِي إِلَّا زَمَنْ مَجَاعَةٍ. Il dit, l'aumône qui est faite à un proche dans le besoin, elle est plus méritoire que l'affranchissement d'un esclave. Et l'affranchissement d'un esclave est plus méritoire que l'aumône faite à une personne étrangère qui ne fait pas partie de tes proches parents. Sauf en période de faim, en période de famine, lorsque les gens ont besoin de nourriture en raison de la hausse des prix ou autre chose semblable. La preuve à ce sujet, concernant le mérite de l'aumône faite à un proche, est le hadith de Maymouna radiyallahu anha. Lorsqu'elle a affranchi une esclave, au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle a mentionné cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit alors, « Si tu l'avais donné à tes oncles maternels, ceci aurait été plus immense pour toi en termes de récompense. Si tu l'avais donné, si tu l'avais offerte à tes oncles maternels, ceci aurait été plus immense pour toi en termes de récompense. Plus immense que l'affranchir. Car elle aurait fait en cela une aumône à un proche dans le besoin, et ceci est plus méritoire. Et quant au fait que l'aumône à une personne étrangère soit plus méritoire en temps de famine ou de hausse des prix, le Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a expliqué cela en disant que l'aumône dans cette situation permet de préserver la vie des gens. En effet, en temps de famine, il se peut que des personnes en viennent à mourir de faim ou alors à se trouver dans une situation très difficile. Et préserver la vie d'une personne est plus méritoire que la libérer de son statut d'esclave. C'est pour cela que l'aumône dans cette situation sera plus méritoire. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, thumma hajjun, vient ensuite le pèlerinage, c'est-à-dire le pèlerinage surrogatoire qui est d'un grand mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, la umra après la umra est une expiation pour ce qui a été commis entre elles, et le hajj al-mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Donc vous voyez que sa récompense est immense. Ensuite il dit, rahimahullah, وعن أنس مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع قال الترمذي حسن غريب. D'après Anas, qui attribue la parole suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sort pour l'étude de la science, il est sur le sentier d'Allah jusqu'à son retour. Donc vous voyez que l'apprentissage de la science, en plus de son mérite immense, cela fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, « Celui qui vient dans ma mosquée et qui ne vient que pour un bien qu'il souhaite apprendre ou enseigner, il est alors semblable à celui qui lutte sur le sentier d'Allah. » Car l'apprentissage de la science et son enseignement font partie de la lutte sur le sentier d'Allah. La lutte sur le sentier d'Allah, ce n'est pas seulement le combat, mais c'est également l'apprentissage et l'enseignement qui fait partie de la lutte sur le sentier d'Allah, car c'est le moyen le plus immense pour faire triompher la religion de l'islam sur toute autre religion. Ensuite, il a dit, rahimallah, قال الشيخ, le shaykh a dit, c'est-à-dire shaykh al-islam, تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. Le shaykh, donc shaykh al-islam, rahimahullah ta'ala, a dit que l'apprentissage de la science et son enseignement entrent et font partie de la lutte sur le sentier d'Allah, et c'est même une forme de lutte sur le sentier d'Allah. En effet, les gens de science ont dit que la lutte sur le sentier d'Allah est de deux sortes. Il y a la lutte par l'épée, il y a la lutte par la langue et la plume. Et ce qui est visé par la langue et la plume, c'est la lutte par la science, par son apprentissage et par son enseignement et sa diffusion parmi les gens. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. Le fait de remplir nuit et jour les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah par l'adoration est plus méritoire que la lutte sur le sentier d'Allah dans laquelle la personne ne perd pas sa vie et ses biens. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces jours », c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ils lui dirent alors « Pas même la lutte sur le sentier d'Allah », il dit « Pas même la lutte sur le sentier d'Allah », sauf un homme qui sort avec sa personne et ses biens et qui ne revient avec rien de cela, c'est-à-dire qui meurt et tombe assis en martyr et obtient un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, wa an Ahmad, et d'après Ahmad, rahimahullah, laysa yushbihu al-hajj shay, rien ne ressemble au pèlerinage, lit-ta'b alladhi fihi wa li tilka al-masha'ir wa fihi mashhad laysa fi l'islam mithluhu. Il dit, rien n'est semblable au pèlerinage en raison de la fatigue qu'il contient et en raison de ces rites qui sont pratiqués, ce moment qui est observé et qui n'a pas de semblable en islam. Ashiyatu Arafah. Il dit, le soir de Arafah, ce moment où tous les pèlerins sont réunis et font des invocations. Donc il nous dit que ceci nous démontre le mérite immense du pèlerinage. Wafihi inahakul mali wal badan. Il y a en cela la dépense des richesses et la fatigue du corps. C'est pour cela que le pèlerinage est très méritoire. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وعن أبي همامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. D'après Abu Humama, un homme a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a demandé quelle est l'œuvre la plus méritoire. Il lui a dit jeûne, car le jeûne n'a pas d'équivalent. Je te recommande le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le jeûne parmi les œuvres les plus méritoires. Ensuite il a dit وقال الشيخ وقد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. Et le cheikh a dit, toujours cheikh al-Islam, rahimahullah, et il se peut que chacune de ses œuvres soit plus méritoire dans certaines situations, en raison de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses califes, ceux qui lui ont succédé, en fonction du besoin et de l'intérêt. وَمِثْلُهُ قَوْلُ أَحْمَدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. Et en ce sens, il y a la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, regarde ce qui est le plus profitable pour ton cœur et fais-le. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné la différence entre ses œuvres en termes de mérite, nous avoir mentionné quelle est la plus méritoire, quelle est celle à la plus grande récompense, il nous dit pour terminer qu'en réalité chacune de ses œuvres peut être plus méritoire en fonction de la situation. Il se peut qu'à certains moments, le pèlerinage soit meilleur, et que dans d'autres, l'aumône ou les dépenses faites sur le sentier d'Allah soient meilleures. Il se peut qu'à certains moments, l'apprentissage de la science soit meilleur, alors qu'à d'autres moments, la lutte sur le sentier d'Allah soit meilleure. Il se peut que pour certaines personnes qui ont des capacités mentales, une grande intelligence, il soit meilleur pour eux de se consacrer à la science, alors que d'autres n'ont pas ces mêmes capacités, mais ont des capacités physiques et ont de la force, et qu'il soit meilleur pour ces personnes de se consacrer à la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc cela peut varier en fonction des personnes, en fonction des moments et en fonction des situations. On regardera le besoin et l'utilité de notre action. Par exemple, pour mentionner une chose concrète, afin que l'on comprenne bien. On sait que les prières surérogatoires sont d'un grand mérite. On sait aussi que la lecture du Coran est d'un grand mérite. Et il se peut que la personne ait un programme et qu'elle ait l'habitude de faire certaines prières et de lire certains versets ou certaines sourates du Coran à un moment particulier de sa journée. Mais il se peut que, un jour, à ce moment-là, cette personne reçoive un invité. Qu'est-ce qui sera préférable pour elle? Se consacrer à ce dont elle a l'habitude parmi les œuvres surérogatoires? Ou alors se consacrer à cet invité, être à son service, le servir et ainsi de suite. Nul doute que s'occuper de son invité en cette situation sera meilleur, car c'est l'action du moment. Donc c'est celle-là qui est le plus profitable et c'est dans celle-là qu'il y a l'intérêt. Également, il se peut qu'une personne ait l'habitude de certaines actions et qu'elle apprenne qu'il y a un malade à visiter et qu'il soit plus préférable pour elle de délaisser ses actions dont elle a l'habitude en ce jour et d'aller visiter ce malade et s'occuper de lui et le prendre en charge et ainsi de suite. Donc tu dois regarder ce qui est le plus utile afin de savoir qu'est-ce qui est le plus méritoire. Et on parle ici des actes surérogatoires, car bien entendu, les actes obligatoires sont toujours prioritaires à ce qui est surérogatoire. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il nous apporte ici un bénéfice immense lorsqu'il dit « Regarde ce qui est le plus profitable pour ton cœur et fais-le ». En effet, les actions, elles n'ont pas le même impact sur chacun d'entre nous. Il se peut que quelqu'un soit plus touché par le jeûne et que cela le mène plus à la réforme. Il se peut que d'autres soient plus touchés par la lecture du Coran, d'autres par les prières surérogatoires, d'autres par la prière de nuit, d'autres par l'aumône et ainsi de suite. Regarde parmi les œuvres ce qui est le plus profitable pour ton cœur, ce qui te mène le plus à la réforme et consacre-toi à cette œuvre autant que possible. Et c'est cela qui sera le plus méritoire pour toi, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, وَرَجَّحَ أَحْمَدَ فَضِيلَةَ الْفِكْرِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ فَقَدْ يَتَوَجَّهُ مِنْهُ أَنَّ عَمَلِ الْقَلْبِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ وَأَنَّ مُرَدَ الْأَصْحَابِ عَمَلُ الْجَوَارِحِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. Ensuite il dit à Ahmed, fut d'avis que la méditation est plus méritoire que la prière et l'aumône. c'est-à-dire toujours la prière et l'aumône surrogatoire. Et on peut comprendre de cela que l'œuvre du cœur est plus méritoire que l'œuvre du corps. Et ceci est soutenu par le hadith, l'œuvre la plus aimée par Allah est l'amour en Allah et le fait de détester pour Allah. Et le hadith, l'anse la plus solide de la foi est que tu aimes en Allah et que tu détestes en Allah. Donc les œuvres du cœur, comme la méditation, elles ont parfois un mérite plus immense que les œuvres du corps, comme la prière ou l'aumône, toujours en ce qui concerne les œuvres surrogatoires. Et ce car les œuvres du cœur, pour être acceptées auprès d'Allah et pour être récompensées, elles n'ont pas besoin du corps. Tandis que le corps, lorsqu'il agit, il a besoin de l'intention du cœur pour que cette action soit prise en considération et que son auteur en obtienne la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les œuvres du cœur ont un mérite supérieur dans nombre de situations. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné le mérite des prières surrogatoires et il va rentrer dans le vif du sujet et c'est ce que nous verrons inshallah ta'ala dans le prochain cours bi'idhnillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.